configuration de GPU AD, ainsi qu'un comparatif avec les cartes actuelles de la concurrence. Mais pour l'instant, je vous laisse entre les mains de Fred, qui reçoit aujourd'hui un invité exceptionnel, un grand nom du jeu vidéo. Bonjour Fred. Salut Jérôme et merci! Bonjour à ceux qui nous écoutent et bienvenue sur Gaming Station si vous venez de nous rejoindre. Au sommaire de l'émission Sortie Vidéo Ludique aujourd'hui, un événement dans le monde du jeu vidéo que tout le monde attendait depuis plusieurs années, la sortie nationale du second volet du jeu vidéo le plus révolutionnaire de tous les temps, je veux bien évidemment parler d'Agartha. Et oui les petits loups, Agartha présente déjà son deuxième opus et aujourd'hui pour cet événement exceptionnel j'accueille, comme vous l'a dit Jérôme, un invité tout aussi exceptionnel. Eric Loffray, créateur d'Agartha et grand Manitou de Dreamcatcher Development, à l'origine de la technologie novatrice qui nous permet de nous connecter au monde d'Agartha à travers nos rêves. Eric Loffray, bonsoir. Bonsoir Fred, et merci de m'avoir invité dans votre émission. Merci à vous d'avoir accepté. Et pour commencer, je tenais à vous faire part d'une réflexion globale dans le monde du jeu vidéo. Il était temps. Oui, c'est vrai, mais pour nous aussi. Voilà plusieurs années que nous travaillons sur cette nouvelle version d'Agartha, et nous sommes heureux de pouvoir enfin vous la présenter. Il y a presque 6 ans maintenant, vous sortiez donc la première version de votre univers, et puis après un succès planétaire qui dura 2 années, plus rien, vous avez décidé de fermer les serveurs et de vous lancer dans la création d'une nouvelle version du monde. Pourquoi ? Après 2 ans de fonctionnement, nous avons eu le temps de voir les défauts du jeu et ses défaillances. Vous avez dû assister, comme beaucoup de spectateurs, au grand final et à la bataille du Muertos. Bien sûr. D'ailleurs, la retransmission sur une chaîne télé spécialisée des grands événements du monde d'Agartha a également été une idée géniale et a fortement contribué au succès du jeu. Oui, merci. Mais j'ai justement un aveu à vous faire par rapport à cette bataille qui clôtura la première version du jeu. Même si nous avions dans l'esprit qu'il faudrait revoir notre système, nous ne pensions pas précipiter la fin d'Agartha 1.0 aussi rapidement. Ce sont certaines erreurs dans le développement du jeu qui ont provoqué cette grande bataille. Et nous avons mis à contribution les joueurs eux-mêmes, pour mettre un terme à la première version. Des joueurs qui sont devenus des légendes grâce à l'émission. Les corbeaux d'Agartha ont su faire rêver des millions de téléspectateurs. Oui, c'est certain. Et nous leur avons proposé une place spéciale dans la seconde version du jeu. Oh oh, voilà une info intéressante. Bien, pouvons-nous aborder à présent le système de connexion qui, il faut souligner, fait toute la magie du jeu. Vous voulez parler de Chukurpa ? Bien entendu ! Le système qui a révolutionné le monde du jeu vidéo ! La possibilité de se connecter à un monde virtuel durant son sommeil ! Comment vous est venue cette idée ? Lors d'un voyage en Australie où je me suis intéressé à la culture aborigène. Ah, vraiment ? Chukurpa est pour eux le temps des rêves, celui où ils peuvent, grâce à la transe, parler aux esprits. Un monde où les initiés sont maîtres de leur destin. Qui ne souhaiterait pas pouvoir être acteur de ses rêves ? Je me suis alors rapproché des plus grands spécialistes du cerveau humain. Et, ne pouvant trouver une solution pour maîtriser ses songes, j'ai imaginé un système qui pourrait venir remplacer les rêves, où l'on pourrait devenir acteur dans un monde créé pour l'occasion. Agartha n'est qu'une enveloppe. On peut donc imaginer d'autres univers compatibles avec Chukurpa ? Bien sûr, d'autres sont d'ailleurs en projet. Mais si Agartha 2.0 est un test, autant au niveau de la fréquentation que de la fiabilité du système, il n'en est pas moins notre bébé. À propos de la fréquentation, pour se connecter à Agartha, il faut se rendre dans des lieux spécialisés ou acheter des kits de connexion qui sont, il faut bien l'avouer, extrêmement cher. N'avez-vous pas peur que ces prix rendent difficile d'accès à un jeu si formidable ? Nous travaillons déjà sur une version moins excessive des kits. Mais il faut savoir que comme toute technologie novatrice, les éléments qui les composent sont rares et donc chers. Que les auditeurs se rassurent. Bientôt, des kits plus accessibles seront sur le marché. Mais je suis bien conscient que dans les premiers temps, Agartha s'adressera à un public de privilégiés. Privilégiés dont vous faites partie, je crois. Ah bah grâce à vous, il faut le dire. Je ne pensais pas pouvoir tester tout de suite Agartha. D'ailleurs, toute l'émission vous remercie du don de 10 kits de connexion que vous nous avez fait et qui ont été distribués sur tirage au sort à l'équipe. Et oui, je suis un des heureux gagnants. Vous allez pouvoir faire de beaux rêves. Oui, étrangement, il me tarde de rejoindre mon lit. Bien, eh ben, écoutez, l'émission touche à sa fin et je tiens à vous remercier de vous être déplacé, car je sais que vous êtes un homme occupé. Il n'y a pas de quoi, c'était un plaisir d'être ici. Et personnellement, je tiens à remercier les auditeurs qui nous ont suivis. J'espère les croiser un jour sur le monde d'Agartha. Merci, Eric Loffray. Et chers auditeurs, ne l'oubliez pas, Agartha est déjà disponible. Vous pourrez bientôt retrouver le test complet du jeu sur notre site internet et dans l'émission Test Game. À bientôt pour de nouvelles sorties vidéoludiques. Fred a encore lu la moitié de ses fiches. Tu sais bien comment il est. Et puis Agartha lui tourne déjà la tête. Ce n'est pas une raison. À quoi ça sert que je me décarcasse à rédiger des fiches s'il ne les lit pas ? C'est vrai ça. À quoi ça sert que Ducrot se décarcasse ? Oh, ça va, hein. Et puis il ne recevait pas n'importe qui. Justement, déstresse, Louise. Avec Éric Loffray dans l'émission, on a fait un carton de toute façon. Et puis, faut-il que je te rappelle ce qui t'attend dans ton bureau ? J'en connais plus d'un qui aimerait être à ta place. Je sais bien, Jack. Tu vas être une des seules personnes du studio à pouvoir tester Agartha gratos. Enfin, presque. Il faut quand même que je paye l'abonnement. Et il n'est pas donné. Tu m'as compris. Avec le prix du kit de connexion, il va me falloir économiser pendant des plombes pour me le payer. Jacques avait raison. Je n'avais aucune raison de me plaindre. L'émission allait être un succès et j'étais l'une des heureuses gagnantes du tirage au sort organisé par Éric Loffray, inventeur du système Jokopa et créateur du monde d'Agartha, le jeu le plus révolutionnaire de tous les temps. Je suis donc rentrée chez moi, les bras chargés du précieux kit. C'est vrai que l'abonnement me coûterait un bras, mais je ne pouvais pas passer à côté d'une si belle occasion. J'ai déballé fébrilement le paquet. Un casque aux multiples capteurs et aux lignes épurées. Une sorte de console au design stylisé, avec sur le dessus le logo Dreamcatcher Development. Et l'étrange nom donné au système, Jokopa. Des câbles, bien sûr. Et la boîte du jeu, extrêmement soignée. Peu d'illustrations, même lorsque je feuilletais le livret. Les développeurs maintenaient un vrai mystère autour de l'univers et de ses évolutions depuis la première version. D'après les quelques logos et symboles, je savais que j'allais pénétrer un univers médiéval fantastique. Je ne m'attendais donc pas à de grosses nouveautés côté scénario. Pour une fois, j'étais pressée de me mettre au lit. Bon, en passant devant le miroir, je me suis aussi dit que j'étais contente d'être célibataire ce coup-ci. Parce que le casque a beau avoir un côté science-fiction, avec la nuisette, c'est pas hyper sexy. Une fois installé, j'ai glissé la clé de données du jeu dans la console, après avoir connecté tous les câbles selon le manuel. Et j'ai attendu que le sommeil vienne. Et évidemment, il a mis un peu de temps à venir. Je regardais mon plafond, trop excitée pour m'endormir. Et puis, il était impossible de se tourner avec le matériel qui m'entourait. J'essayais déjà d'imaginer ce que je pourrais jouer. Il m'a fallu une bonne heure avant que, sans m'en rendre compte, je glisse doucement dans le monde d'Agartha. Découvrez Agartha. Entrez dans un monde tel que vous n'en avez jamais vu. Un monde nouveau, aux possibilités infinies. Vivez une expérience unique et devenez celui que vous avez toujours rêvé d'être. Agartha, une autre vie vous attend. Soyez maître de vos songes.